Chapitre 16. Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre. Alors, des plaies mauvaises et douloureuses apparurent sur les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer. L'eau devint comme le sang d'un mort, et tous les êtres vivants qui se trouvaient dans la mer moururent. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau, qui se changèrent en sang. J'entendis alors l'ange qui a autorité sur les eaux dire « Tu es juste d'avoir jugé ainsi, ô toi le Saint, qui est et qui était. Ils ont en effet répandu le sang des membres du peuple de Dieu et celui des prophètes, et maintenant tu leur as donné du sang à boire. Ils ont ce qu'ils méritent. » Puis j'entendis une voix qui venait de l'autel et disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, qui fut autorisé alors à brûler les hommes par son feu. Les hommes furent brûlés par une chaleur terrible, et ils insultèrent le nom du Dieu qui détient de tels fléaux en son pouvoir. Mais ils refusèrent de se détourner de leurs péchés et de rendre gloire à Dieu. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, dont le royaume fut alors plongé dans l'obscurité. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils insultèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs plaies, mais ils ne se détournèrent pas de leurs mauvaises actions. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Le fleuve se dessécha pour livrer passage aux rois qui viennent de l'Est. Puis, je vis trois esprits mauvais, semblables à des grenouilles, qui sortaient de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des miracles. Ces trois esprits s'en vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Écoute, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste éveillé et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et ne pas avoir la honte d'être vu ainsi. Les esprits rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième ange versa sa coupe dans l'air. Une voix forte se fit entendre du temple. Elle venait du trône et disait « C'en est fait !» Il y eut des éclairs, des sons, des coups de tonnerre et un violent tremblement de terre. Il n'y a jamais eu un pareil tremblement de terre depuis la création de l'homme, tellement celui-ci fut violent. La grande ville fut brisée en trois parties, et les villes de tous les pays s'écroulèrent. Dieu se souvint de la grande Babylone et lui fit boire le vin de sa coupe, le vin de son ardente colère. Toutes les îles disparurent et l'on ne vit plus de montagnes. D'énormes grêlons qui pesaient jusqu'à 40 kilos tombèrent du ciel sur les hommes. Et les hommes insultèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car c'était un fléau d'une violence terrible.